À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit C'est la soupe. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, C'est la soupe. C'est maintenant sur Skyrock. C'est parti, coup d'envoi de ce Planet Rap déjà pour la dernière, celle-là. Ouais. C'est triste. C'est vraiment triste. Je vais pas te revoir avant quand? Avant 2 ans et demi? 3 ans maintenant. Parce que tu vas partir dans le monde entier. J'espère. Avec cet album magnifique qui sort lundi, on est à 3 jours de la sortie. Ouais. Tu te sens comment? 3 jours de la sortie? Comme les jours après, exité. Exité. Bon, si tu as un problème, un petit coup de mou, Elsa est là qui va traduire, n'hésite pas. Bien. Parce qu'on sait que de temps en temps ton français, ça. Ok. Donc si tu as un petit coup de mou en anglais, Elsa intervient. Oh, facile, voilà. Facile. Parfait. Bon, elle parle pas encore flamand. Non, désolé. Ça y est, va en troisième langue, il y est pas. Encore. Non. Mais. Rien blams. Niemand begrijpt iets van blams. Voilà. Hein? What? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas. Ça veut dire quoi qui Nobody understands a word of Flemish. Voilà, elle a dit personne ne comprend un mot de flamand. Très bien. Et ben voilà, merci. Il y a de l'eau qui arrive aussi. De l'eau fraîche pour bien commencer le week-end. Voilà. Voilà, avec Céla qui va se remettre un petit peu de sa voix. Elle a beaucoup donné cette semaine, elle a beaucoup chanté en live. D'ailleurs, on va revivre ça maintenant puisque c'est le replay de la semaine. Tous les lives que tu as fait, tous les moments d'antenne qu'on a passé ensemble, elle est compressée en 3-4 minutes. C'est maintenant à réécouter cette semaine avec Célassou. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Wisht grusht, c'est là. What? J'ai essayé de me lancer en flamand. J'essaie de me lancer en flamand, mais c'est pas ça, c'est pas wisht grusht. C'est pas du tout ça. Wisht grusht? Bon, c'est un truc comme ça, non? Non, je voulais dire, bonsoir, c'est là. Good avond. Ah bah voilà, good avond. On n'était pas loin, quoi. Ça commence fort. Is a one-off different. What you see is what you really did in the end. But what you're gonna do, I don't know. A dear rock and muffin, shall I not fall down? Cause he is the wisdom of a not full of rock. But why don't you be good, so see on the ground? Yes, cause woo woo woo, yeah. Woo woo woo, and yeah. Quand mon cœur me fait des coups bas, je suis dégoûté dans la foulée, je me suis écarté de ma voix. Tant pis, je vois que quand j'ai envie de toi, tu es loin. Je suis pas bien, je me balade en ville le soir, j'ai des flashs de tous les deux. Faut pas qu'on se lâche, tu vois pas tout ce qu'on gâche, ça s'est passé sous tes yeux. Tout va si vite, je te cache pas, ça devient speed. Sois pas si triste, t'inquiète pas, je reviens vite. Spend by eternity, listen, we used to be. I hope you remember me at night. Je me rappelle, bébé. Je suis pas très loin, je pense à toi, Dieu m'en soit témoin. Bien sûr que je me rappelle de toi. Gangsta. Cause I'm alone, I'm alone, I'm alone without you. Je suis seul sans toi. Cause I'm alone, sans toi bébé. I'm alone, sans toi. I'm alone, sans toi without bébé. You, sans toi without bébé. You, oh, oh. Tsukismo, Fredo, Elsa, Momo. Without you. C'était toute cette semaine en direct avec Selassou sur Skyrock. Direct avec Selassou sur Skyrock. Voilà le Planète Rap, un gros Planète Rap avec Selassou à quelques jours de la sortie lundi dans les bacs. On peut précommander ce week-end. Hein, si vous avez un coup de cœur pour Selassou, c'est le moment ou jamais de la soutenir et d'aller précommander cet album qui s'appelle Reason. Ouais. Un nouvel album pour Selassou. Des nouveaux morceaux qu'on a pu découvrir cette semaine. Et puis, il est passé avec toi, c'était mercredi dans l'émission. On va écouter cette version Alone avec Gizmo pour débuter l'émission. Yeah, cool. On y va? Allez, let's go. Alone maintenant. Selassou et Gizmo. Tant pis, je vois que quand j'ai envie de toi, tu es loin. Je suis pas bien, je me balade en ville le soir. J'ai des flashs de tous les deux. Faut pas qu'on se lâche, tu vois pas tout ce qu'on cache. Ça s'est passé sous tes yeux. Tout va si vite, je te cache pas, ça devient speed. Sois pas si triste, t'inquiète pas, je reviens vite. Pas très loin, je pense à toi, Dieu m'en soit témoin, bien sûr que je me rappelle de toi. Je sais que tu es perdu. Je sais que quand le soleil se lève, tu oublies ton amertume. Je sais que tu m'attends. Je sais que tu es perdu. Je sais que quand le soleil se lève, tu perds tout ton temps dans l'amertume. C'est l'assaut avec Gizmo, extrait de l'album Reason, le morceau qui s'appelle Alone. C'est vendredi, ce qui veut dire qu'on va parler avenir ce soir. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vois, toi? Tu as des côtés un peu voyants. Qu'est-ce que tu vois? Parce que je me souviens qu'on a parlé en début de semaine de ton précédent album, le premier album, où tu disais, bah, grosso modo, quand tu l'avais fait, tu savais pas trop où il pouvait t'emmener. Donc, qu'est-ce que tu attends de ce deuxième album qui sort lundi? What do you expect from, Elsa, from this je second qu'à un moment, album that's elle a décroché, coming out Monday? Says, are you a psychic? Do you see the future? Or what do you expect from this second album that's coming out Monday? You know, I think it wouldn't... I'm really realistic. You know, I think the first record, it sold 1 million. I mean, it's really... The chance is really low that the second one is going to sell as much, but I'm really fine with that. You know, I think the second album is better. I mean, I'm grown up now. I know better what I wanted. But as long as if I can tour and make music, it's fine for me. I don't need to sell 1 million records anymore. As long as if I can, you know, like balance family and music, that's for me success, I think. En fait, elle reste super réaliste parce que le premier album s'est vendu à 1 million d'exemplaires, ouais. Ce qui est juste énorme. Incroyable. Donc elle pense pas que le deuxième fera aussi bien. En même temps, elle trouve que le deuxième est mieux parce qu'elle a mûri, qu'elle a évolué. Mais voilà, du moment qu'elle continue à faire sa musique, à partir en tournée et qu'elle arrive à équilibrer la famille et la musique, elle est heureuse. Moins de côté up and down, peut-être, qu'on peut te souhaiter? Less up and down, maybe. It's still a part of me. But like you say, I have more reason. I can place my emotions better, and that's why I think I can handle it better. So yes, in the last years, I really got more responsibilities, and I just got older, so I can handle my ups and downs better. So it's only good. En fait, c'est haut et c'est bas, ça fait partie d'elle. Mais comme elle nous le disait, elle a un peu mûri, donc elle arrive à mieux équilibrer ça, à mieux placer ça. Mais ça reste du positif pour elle parce qu'elle s'en sert pour sa musique. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement cette reconnaissance, le fait que tu remplisses des salles dans le monde entier? Est-ce que voilà, titre personnel, ça t'a enrichi? Ça te fait peur? T'as quel ressentiment? The fact that you know you're very successful in sold out concerts, what does that do for you personally? I mean, does it make you scared? Does it enrich you? What does it do for you? It gives me, it's not that it makes me really happy, you know, that people love the music, but it doesn't change me. I'm really down to earth. I'm really grounded. I would never have like a big ego or feel better than somebody else. So my personality didn't really change. But the good thing about it is that I just have a structure. I can play gigs every day. I can see the world. I can meet people. And that's also really good to find a balance, you know. En fait, ça la rend super heureuse, mais en même temps, elle garde les pieds sur terre. Elle a pas un ego surdimensionné. Voilà, elle arrive à garder l'équilibre. Et ça lui permet justement de voir des endroits de ouf et de jouer partout, de jouer des concerts non-stop. Tu as acheté une nouvelle bagnole? You gonna buy a new car? A new car? Actually, I did. En fait, elle vient d'en acheter une. C'est vrai? Automatique. Ah, automatique. And actually a Prius, which is really good for nature. Ah ouais, une Prius qui est bien pour l'environnement. Ce qui est très bien pour l'environnement. Tu es quelqu'un de tiens, d'ailleurs, tu seras, on en parle, il y a un super festival à Paris qui a lieu au mois de mai, qui est le Green Festival. Yeah. Où tu vas jouer aussi. Yeah, exactement. Voilà, et j'aime les choses comme ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est un festival qui allie les deux, justement, ce côté un petit peu, voilà, où il faut quand même penser à la planète, penser un petit peu aux autres. Ouais. Et en même temps, non, c'est vrai que c'est assez fou ce festival qui a lieu à Paris chaque année. Et tu seras présente d'ailleurs. Hein. Si je dis pas you're gonna be at the festival. I'm gonna be at the festival. Je crois, non? Tout à fait. Maybe, yeah. You know, I never watch like more than 2 days further in my agenda, so actually, oui, alors, I don't know. En fait, elle sait pas trop parce qu'elle y va 2 jours par 2 jours dans son agenda, donc elle sait pas trop ce qui va se passer en mai. Bon, alors peut-être. Ce sera vérifié. Il me semble que de mémoire, tu y es. He heard something about you performing. D'un seul coup, tu m'as mis un doute. But now, he has a doubt. Me too, mais, now. Elle aussi, elle a mais tu vois un peu ce que c'est ce Green Festival. But do you see what he's talking about? Yeah, I already played there, that's for sure. Elle a déjà joué. T'as déjà joué, ouais, c'est vrai. Ah, c'est peut-être ça. Non, mais c'est un truc qui est assez fou parce que tout est avec les panneaux solaires, enfin voilà. Everything is green, yeah, it's pretty. Yeah, and I remember I played there and it was raining a lot. Il pleuvait. Like really nature in its purest form. La nature dans toute sa splendeur. Eh ben, on peut pas lutter contre la nature, mais en tout cas, les gens étaient. Yeah, I know, yeah. Et bon, on pourra peut-être donc te voir là-bas ou en tournée, peut-être. We might see you there or on tour. Voilà, un des deux. Un des deux, en tout cas, n'hésitez pas à suivre C'est la Sou sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, les Facebook, que ce soit les Twitter. C'est toi-même d'ailleurs qui est sur les réseaux sociaux ou il y a quelqu'un pour toi? Are you the one who updates stuff on social networks or does actually, someone do yeah, it for yeah. you? Yeah, I do it only on Facebook, but it's linked clearly with Twitter and Instagram. So yeah, it's mostly me. Elle le fait sur Facebook, mais c'est lié avec Instagram et Twitter. Mais la plupart du temps, c'est elle, ouais. Bon, me confirme que j'ai certainement dit une connerie. Tu seras pas cette année au Green Festival. Okay, so he just got confirmed that he said something. You're not going to be at the festival this year. Mais c'est pas grave. En tout cas, on pourra te retrouver en France. But voilà. We'll still see you somewhere in France. Voilà, on pourra te retrouver et notamment un Zénith qui se prépare pour la rentrée puisque la date de lundi est blindée à l'Olympia. C'est là, on écoute un morceau. Ok. Pardon, c'est Phil. Phil, ok. Oh. ou Fear Nothing. C'est comme tu veux. Fear Nothing. Ce sont tous mes bébés, donc tu veux. Alors tu quel bébé choisir. Lequel on prend? On prend Phil ou on prend Fear Nothing? Let's go for the other baby, Fear Nothing. Ah, Fear Nothing. Peur de rien. Yeah. C'est ça, hein, je traduis bien, Elsa. Exactement. Tu m'as dit. Non, non, c'est ça. Peur de rien. Peur de rien. Peur de rien. Il est né comment celui-ci? Tu l'as fait où celui-ci? À UK. Et j'ai fait ça avec le producteur de Massive Attack aussi. Donc, oui. En Angleterre. En Angleterre, ouais. C'est un album qui a été fait un peu partout. Tu nous disais cette semaine, il a été fait en Jamaïque, à Los Angeles, il a été fait en Angleterre. Et donc ça, c'est un son anglais. C'est un, je sais pas. Non, enfin c'est une son vibe. Anglais, non, son anglais, son. Je sais pas quel son. It's just a good vibe. C'est une vibe. C'est des bonnes vibes. Une good vibe, une good vibe UK, mais pour tout le monde. All around the world. All around the world. All around the world. Voici le morceau Fear Nothing. C'est la sou. Et dans Planète Rap, l'album sort lundi. Il s'appelle Reason. The things I know never had the same glow, passing through your rainbow. The things I feel never had the same hope, till I finally found you. You made me feel like choosing love against time, love against time. The same sound, till I finally found you. Oh, now you made me feel like choosing love against time, love against time. Nothing, c'est extrait de l'album Reason à l'instant avec Selassou. T'as dû aimer bosser aussi avec Massive Attack justement sur ce projet. It's Massive Attack himself. It's he did a song for Massive Attack. His name is Matt Schwartz. En fait, il s'appelle Matt Schwartz et il a fait une chanson pour Massive Attack. Yeah, exactly. Mais en tout cas, avec l'univers, c'est vrai que c'est clairement l'univers de Massive Attack. Yeah, exactly. T'écoutes, ça aussi, ça fait partie de tes références, de ce que t'écoutais beaucoup, Massive Attack. Yeah, I think like Massive Attack poured his head, like the trip hop atmosphere is really something. Yeah. Ouais, un peu l'atmosphère trip hop, elle adore ça. Qu'est-ce que t'écoutes beaucoup en ce moment, à part ton album, évidemment? Non, I never listen to my own record. Non, elle écoute never. Jamais ses propres disques. Ouais, c'est ce que tu nous disais en début de semaine, genre tu peux pas écouter. No, it's hard. I'm too perfectionist. That had to change. That had to be different. So I don't do it. C'est dur parce qu'elle est très perfectionniste. Donc du coup, elle aura envie de changer plein de choses. Donc elle ne fait pas. Tu les arranges un peu sur scène parfois. You arrange them on when you're on stage. Yeah, performing? That's a cool thing. You know, an album is like a moment in time, and it's fixed and it's done. But life, you can change things, and it can grow, and it can become really, really perfect as you want. Ouais, d'ailleurs, c'est ça qui est cool parce qu'un album c'est figé dans le temps, mais sur scène justement, tu peux faire des arrangements et changer un peu les versions et faire ce que tu veux. Vous êtes nombreux d'ailleurs sur scène. Il y a plus de monde que la précédente tournée. Maintenant, deux backing vocals. D'accord, donc deux personnes qui font un peu les chœurs derrière. Qui font les chœurs, qui sont présents derrière et qui sont. Il y a des choses qui vont bouger même par rapport aux morceaux au premier album. Tu réinterprètes certains morceaux. Are you gonna reinterpret some songs maybe? Maybe yeah, but it's also just you know the second record has so many vocals that I just needed some extra vocals, so I can relax a bit more because I have to play so much. I need to take care of my vocals, so they're gonna take over sometimes. En fait, il y a beaucoup de voix sur ce deuxième album. C'est pour ça qu'il y a deux personnes en plus pour l'aider et du coup, faut qu'elle économise un petit peu sa voix. Donc c'est pour ça qu'elle est pas toute seule. Tu connais tous les textes par cœur? Do you know all the texts by heart? If I'm too comfortable, I forget. Si elle est trop à l'aise, elle peut oublier, ça lui arrive. Bon, en même temps, t'es aidé par le public. But the public helps you. Yeah, with the hits, exactly. avec les tubes, ouais. Ouais. Ouais, c'est bien, tu peux t'installer et laisser défiler le concert. Et en même temps, you ça va être just un relax peu... and let them sing. Yeah, et en même temps, ça va être un peu plus long, puisque là, il y a le premier album, il y avait quoi, 12 titres? Maintenant, il y en a un peu plus à faire sur scène. Oui, finalement. That's good, you know, to have a bit more like range of you can pick out some cool songs instead of... I toured 2 years and a half with 12 songs, you know, so that was really hard. Ouais, elle a fait 2 ans et demi de tournée avec 12 titres, c'était un peu dur. Là, il y a une gamme un peu plus variée de titres parmi lesquels elle peut choisir, donc c'est cool. D'accord, et ben c'est à voir sur scène. En tout cas, elle est à voir, c'est là, parce que c'est vrai que c'est une petite bout de bonne femme sur scène, elle est là avec sa guitare à bouche partout. C'est assez impressionnant à la voir sur scène. He says you're very cool on stage. Yeah. Cool, thank you. On va revenir dans quelques minutes, on mettra un autre titre. Ok. Quel morceau? Tu peux choisir. Il y a Phil, mais si je devais choisir, moi, il y a I Won't Go For More, il y a le morceau avec Childish Gambino aussi, le Together. I Won't Go For More. I Won't Go For More, yeah. Et bah, dans un instant, et puis Phil, on le passera un petit peu plus tard ce soir dans l'émission. Dans Planète Rap, on vous attend au Freestyle 41759 pour rapper. Il y a des places pour le concert de demain, Chorus des Hauts-de-Seine, demain la soirée hip-hop des Chorus des Hauts-de-Seine qui a lieu à La Défense. C'est ce qu'on vous file au Freestyle. Et bougez pas, on revient juste après ça. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Célasou pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Avec Célasou sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap de retour avec Célasou entre 20h et 21h dans l'émission. Célasou et son album qui sort lundi, à pas louper, cet album Reason sur Skyrock. Vous allez voir, vous avez passé un super moment. Les morceaux défilent tout seuls, on est bien, on passe un bon moment à l'écoute de l'album de Célasou, vraiment, sincèrement. He says he enjoyed listening to the album. It's very nice to listen to. Thank you. Tu as entendu ce petit trémolo dans la voix? Rien que d'en parler? He's just emotional just talking about it. Yeah, I feel you're starting to cry. Ouais, elle a l'impression que tu vas pleurer là, d'une minute à l'autre. Et je pleure souvent. He often cries. I feel you're really emotional. Ouais, je te sens très très ému ouais, là. Ouais, je suis un mec très ému. Yes, he's very emotional guy. Yeah, I feel it. Très ému. Elle le sent, elle le sent. Très très très émouvant aussi. Bon, on va mettre un morceau, tiens, d'ailleurs, qui est émouvant, qui s'appelle I Won't Go For More maintenant. On balance? Ok, parfait. It's ok. Allez, c'est parti, c'est extrait de ton album qui sort lundi. Cause I'm What is in my heart? Let it ring through you. I will sing for you. I will sing for you. What is in my heart? Let it ring through you. But I won't go. Qu'est-ce que j'aime ce morceau, I Won't Go For More, à l'instant, c'est extrait de ton album Reason qui sort lundi dans les bacs. C'est la Sou avec nous entre 20h et 21h ce soir, évidemment, comme c'est la dernière, on parle avenir, on a parlé un petit peu justement de comment tu voyais la vision sur scène aussi de cet album. Toi, à titre personnel, est-ce que tu as un... Alors, plan de carrière, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce que tu as une vision de ce que tu as envie de faire, je sais pas, dans une dizaine, quinzaine d'années, tu te vois comment? Do you have a vision of where you see yourself or where you would want to be in 10 or 15 years? Well, I think, you know, people see success as maybe as she sells, as she has a big top one career and she sells millions of records. But my idea of success, if I would like have a good balance in like having babies and my career, I think that would be really cool for me if I would combine those two really good. En fait, elle dit que souvent les gens imaginent que le top du top, c'est de vendre des millions de disques, d'avoir plein de tubes. Mais en fait, c'est là, elle nous dit que pour elle, l'équilibre entre sa musique et faire des bébés, par exemple, ce serait, elle serait heureuse, ce serait top. Bon, t'as trouvé quelqu'un pour faire les babies? T'as trouvé quelqu'un pour faire les babies? Oui. Ah, Lydia, en plus, avec un regard gourmand. Oh, you have a naughty look when you say yes. No, those times are over. Non, ça c'est fini cette époque. Ah bon? C'est déjà 5 ans. Hein. T'as déjà 5 enfants? Non, ça fait déjà 5 ans qu'elle a mis son copain. Ah oui, bah, je me disais merde. He thought you already had 5 kids. No, wow, that would be. Ouais, ça. Not like that. No, bon, ça va, en tout cas, t'as l'air plutôt up que down, là, en tout cas. Hein. You seem rather up than down. Yeah, that's true. Ouais. C'est vrai. Yeah, it's donc, true. Bah écoute, c'est ce qu'on te souhaite. What we wish for you. À titre personnel, peut-être une nouvelle coupe dans 10-15 ans. Maybe aussi, a new hairstyle in 10 or 15 years. Oh. Yeah, maybe a bit more down. Peut-être un peu moins de volume. Every year, a bit more down. Voilà. Maybe. Peut-être que c'est un peu la coiffure. À chaque fois que je te vois, c'est quand même assez hallucinant. Alors, oui. Ouais, c'est. Mais c'est juste 2 minutes. Hein. Moi, regarde-moi, moi qui n'ai pas grand-chose, je suis rêveur en te voyant, en fait. Ouais, your hair makes him dream. Wow. It only takes me really 2 minutes. Vraiment, ça lui prend 2 minutes, hein, la coiffure. Yeah. Très bien. Bon, on fait un petit point capillaire. Voilà. But it's more like a complex because I think my head is too big for my hair, so it's a bit more of a complex. En fait, c'est plus un complexe parce qu'elle trouve que sa tête est trop grande par rapport à ses cheveux. Mais t'as toujours été comme ça en même temps. But you always styled your hair that way. Yeah, when I was 14, because I thought my head was too big for my hair. Bah voilà, quand elle a 14 ans, parce qu'elle pensait déjà que sa tête était trop grosse par rapport à ses cheveux. Non, ça va. Non, ça va. Tu es bien équilibré. Ok, voilà. There's a good balance. From now, it's going to be low. Good balance. Voilà, good alors balance. Maintenant, elle va me faire moins de volume alors. Bon, après ce petit point capillaire, hein, je suis désolé, c'était important de le signaler. Nous accueillons Marocco de Valence par téléphone. Salut Marocco. Salut Fred, ça va? Comment ça va, mon pote? Ça va, au calme, tranquille. Hein. Je te présente, je suis bien entouré. Hein. Il y a deux nanas. Il y a Céla, évidemment, c'est son Planète Rap. Elsa qui fait la traduction. Donc n'hésite pas si tu as besoin de parler, Marocco. Ah ouais, bah moi, je voulais dire, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'adore aussi le teint de la voix, tu vois, le teint de sa voix. J'aime bien. Merci beaucoup. Tu as compris? He likes the tone of your voice. Yeah, he likes the tone of my voice. Elle avait compris, ouais. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Eh ben écoute, tu vas pouvoir découvrir son timbre de voix à lui puisqu'il vient rapper par téléphone. Ok, cool. C'est l'heure du freestyle par téléphone. Marocco de Valence, on t'écoute. C'est maintenant sur Skyrock. Yeah, Roroto Black, blanc beurre, ça fait. J'avance dans le rap plus que dans la vie. C'est mon choix à la mer. Ma plume c'est pas nager, c'est noyé dans un verre de cheese égaré. Et ces rappeurs sont tous décalés devant le mic, font que d'aboyer comme des chiens de flic. Putain c'est qui ce type? MROCO, BDK, clic clic. J'écris ta mère sur la paire de Nike au MC. Bande d'imbéciles, dans le rap je m'épuise. Mais trop de gens me méprisent, reconnaissent pas la bêtise. J'ai le flow, la maîtrise, de mon art à la technique comme mon gars Youssef. Eh oui, j'fais la gif sur le terrain. Marocain est fier de l'être, rien à foutre des cours de l'aide. Parfois j'suis perdu, mais pas que la meuf du GPS m'a bien. Paquet d'M&M's, j'en ai vu toutes les couleurs. J'encaisse les coups, les douleurs. Fais gaffe à toi, poteau. Certains amis sont inutiles comme un gars sourd au téléphone. Et dis pas que t'es mon gars sûr si quand ça se tape, gros, tu décolles. Si, si. Et ben voilà, court, rapide, efficace. Bravo, Marocco. Merci. Eh ben mon pote, si tu veux aller demain soir au festival Chorus des Hauts-de-Seine, il y a une grosse scène hip-hop à La Défense. Bon, ça fait un peu loin, Valence, La Défense, mais si jamais... Ouais, un peu. On a deux places pour toi, sinon on va les filer aussi, hein. Il reste des places, donc n'hésitez pas à envoyer un message 41759 pour la grosse soirée hip-hop des Chorus des Hauts-de-Seine demain du côté de La Défense. Merci Marocco. Bah merci. Ah, je voulais passer une dédicace aussi. Vas-y, on t'écoute. Je voulais faire une grosse dédicace à mon crew, BDK Crew, à TMTBM aussi, Team Marocco, Team Black Mafia, tous ceux qui me soutiennent. Et vous pouvez me trouver sur ma page Facebook Marocco 26, Instagram, Twitter Marocco BDK Crew. Et ben merci à toi Marocco. Merci à vous. Ciao. Allez. C'est la Sou avec nous entre 20 et 21 sur ton album. On le disait depuis le début de semaine, il y a un featuring avec Childish Gambino. Est-ce qu'il y a des gens, alors on va rester un peu dans l'univers hip-hop, dans l'univers urbain, avec qui t'aimerais featurer? Kendrick Lamar. Common. Be cool. Common, très fort aussi, ouais. D'Angelo is coming D'Angelo, back, ouais. In a really good vibe. Ouais, je fais la traduction, Elsa, hein. Tu peux dormir tranquille. Ouais. Hein. Bonne nuit. Et voilà. Oui. Et voilà, c'est pas mal. En français, il y a des choses que t'écoutes un peu en rap français ou? It's really hard because you know you have in Belgium you have Flemish and French part. And Flemish part is really separated from, so it's really hard to have like an opinion about like the French music. I don't listen to it that much. But I have difficile. To though. Sorry, c'est difficile de se faire une opinion en Belgique parce qu'il y a le côté flamand, le côté français, mais du coup elle écoute pas forcément assez de musique française pour s'en faire une opinion, mais il faudrait qu'elle le fasse. Il y a du rap flamand, je connais un peu le rap wallon, il y a des gens, il y a une grosse scène rap justement à Bruxelles, mais est-ce qu'il y a du rap flamand que je connais un petit peu moins? Tofan Commerce, tu connais? Oui, Tofan Commerce. Voilà, si, c'est vraiment séparé, hein, c'est difficile. Hein. Donc c'est rap? C'est rap, ouais. Rap. Et c'est vraiment bien. Tu connais Starflam? Starflam, je connais, oui. Ça, Starflam, je connais, ouais. Ça, c'est voilà. Un groupe, mais plus Bruxelles, hein? C'est Bruxelles. C'est oui. Bruxelles, c'est ça. And it's connais. Also a long time ago, actually, I think. Ça fait un petit moment. Ouais. Bon, il y avait Stromae aussi. Ouais, oui, bien sûr, Stromae. C'est pas vraiment du rap. Non, mais il a commencé dans l'univers hip-hop, hein, Stromae. Ah oui? Tu savais pas? Like Papa Oute ou? Non, avant. Il rappait, il avait même fait un son sur l'album de Kerry James. Un morceau, si je t'en de mémoire, il me semble que c'était XY. C'est ça, hein, c'est XY de mémoire. Un morceau de Kerry James, je sais pas si tu connais Kerry James, qui est un rappeur français. Je connais pas. Il avait fait un son à l'époque, il produisait des sons, Stromae. Il avait produit un son sur l'album de Kerry. Waouh! Mais il est vraiment talentueux, hein. Stromae, c'est quelqu'un que t'as rencontré ou pas? Yes, for sure. I met him a lot of times. Ouais, plusieurs fois. Mm. Yeah. It's a really cool guy. T'apprécies aussi? Mais oui, yeah, he's so cool, he's so grounded, and we can talk really like normal people. We have a really cool connection actually. Il est très cool, il a les pieds sur terre. Tu peux vraiment parler de plein de choses avec lui et parler normalement, quoi. Et lui, c'est vrai que c'est incroyable aussi. Pareil, c'est 2 millions d'albums vendus. Il est en train d'attaquer les États-Unis. Toi, t'as essayé justement d'aller un petit peu aux États-Unis? De jouer aux États-Unis. He's now, you know, going for a career in the US. You also tried to sort of do something in the US? Yeah, you know, I released my single there. It has a good bass. It didn't explode, but you know, I can play like gigs of like 300 and sold out. So that's kind of cool. You know, I'm happy with that. But of course, it's not finished. So next year, we're gonna release this record and push it a bit more, and we'll see. En fait, elle avait sorti un single effectivement. Ça a pas explosé, mais il y avait une bonne base. Donc, elle arrivait à remplir des petites salles de 300 personnes. Elle a fait des concerts sold out. Donc ça, c'était top. Mais là, avec ce nouvel album l'année prochaine, ils vont également le sortir là-bas et peut-être le pousser un peu. Ouais, j'allais te demander, tu vas réattaquer les États-Unis, c'est un marché compliqué, hein, les États-Unis. It's a complicated market. Mm. Yeah, I've heard, yeah. Mm. Ouais, c'est ce qu'on lui a dit. Faire une tournée aux États-Unis, tu l'as déjà fait, et puis peut-être des salles un petit peu dans l'ensemble des États-Unis, un peu partout. Hein. Maybe do a US tour? I did it already and it was nice. But you know, I don't need like the big venues of like thousands of people. It's really cool to do intimate 200 sold out shows, you know, I'm happy with that. Ouais, elle préfère les petites salles de 200-300 personnes qui sont sold out plutôt que des grandes salles, voilà. Eh ben, on suivra ça en tout cas, la carrière de Cella sur Skyrock entre 20 et 21 avec l'album Reason qui sort lundi dans les bacs. On écoute le morceau, on en a parlé tout à l'heure, Feel. Ok. Feel, c'est ok. Feel, c'est ok. Alors il était fou celui-ci. Where was this one done? Recorded. Feel. It was. Now I need to think. Let me see. It's done in UK. En Angleterre. Yeah. Il y a du temps, hein? Oh non, non, non. Ah, j'étais sûr parce que je me suis dit, elle réfléchit trop you en fait. You could tell you were hesitating, so you were sure you were wrong. No, yeah, it was not in the UK. Non, non, non, ah, bon, non, en fait, c'était en Angleterre. C'était en Angleterre, voilà. Yeah, yeah, c'est pas trompé. Voilà, voilà, voilà. It was the same producer as Maverick Saber, which is a really cool, soulful artist. And, c'est le même producteur que Maverick Saber, qui est un artiste très soul, hyper cool. Yeah. And yeah, it went really smoothly in a few hours, the song was made. Ça s'est fait très, très fluide. En quelques heures, c'était réglé. Et le résultat, ça donne ça. L'album sort lundi, 30 mars, Phil. Le morceau extrait de l'album Reason de Cella Sou avec nous dans Planète Rap. You never show your light, no matter what I do. You're keeping up your guard, you locked away your heart, yeah. You wanna stay ashore and never ride the wave. But if you take the dive, you know that you're alive, yeah. But you just wanna take things slow. You just wanna seek in silence. But if you're gonna be sad, you'll see. Yeah. Be happy that you do feel something. Be happy that you do feel something. And if you're gonna be mad at me, yeah. I'm happy that you do feel something. I'm happy that you do feel something. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Cella Sou entre 20h et 21h pendant quelques minutes encore. Ok. Avant de te laisser filer, je sais pas, vers les États-Unis, vers l'Angleterre, vers la Belgique. Belgique. Une jour à Belgique. Une jour en Belgique. Oui. Ou un jour. Un jour. Un jour, un jour en Belgique. Un jour, ok. Un jour en Belgique. On a compris quoi. Mais tu vas chez toi là, tu vas à la maison. Going home. Un jour. Ça ressemble à quoi d'ailleurs chez toi? Alors pas la maison forcément, mais les alentours, c'est quoi? Ces petits villages, petite ville, c'est. Une very petite ville avec. I have a really nice house with a lot of light, with chicken, with. Really in the country. C'est vraiment dans la campagne. Elle a une maison qui est très très lumineuse avec des poulets. C'est vraiment la campagne quoi. Mais oui, je sais que tu nous avais parlé depuis le début de semaine de tes fameux poulets qui s'étaient fait défoncer d'ailleurs par un renard. Hein, il faut le rappeler. Oui, that had trouble with your fox. Yeah, but I don't want to. I still will believe that they're alive. I cannot like accept. Je veux encore croire qu'ils sont vivants. Donc voilà. Donc là voilà. À l'accepter. Et t'aimes bien aller te ressourcer là-bas. Ça fait du bien. Do you like resourcing yourself there? Oh going man, home? I cannot explain how good it does to me, really. Elle peut même pas t'expliquer à quel point ça lui fait du bien. Bon, le temps, c'est pas tout le temps ça en Belgique. Hein. The weather isn't that great most no, of the time. No, it's true. It's like not magical, not exotic, not nice, but it's home. Non, c'est vrai. C'est pas très magique, c'est pas exotique, mais c'est chez elle, quoi. C'est la maison. Et ça ressemble à quoi une journée normale quand t'es à la maison de Célassou? What's a normal day like when you're home? Quand tu bosses pas. You're not working. Okay, so I get up at 12. Se lève à midi déjà. Mm-hmm. Then I take a coffee. Good Prends coffee. Son café. Then I go back in the bed. Retourne se coucher. C'est pas mal, c'est un bon programme. That's good. Yeah, and then I get up and then I do some jogging. I need my sports. Elle fait un peu de sport après, elle va courir. Yeah, I really need it. Elle en a besoin. Yeah. And then I go out and see family or friends. Après, elle va voir ses amis, sa famille. Oui. Et then I cook. I love cooking. Après, elle fait la cuisine parce qu'elle adore ça. Yeah. Alors, c'est quoi la spécialité? Excuse-moi. What's your, moi, j'adore what's your la specialty? J'adore la bouffe. He loves food. Yeah. So, what's your Donc, specialty? Quoi, la, Ooh, du poulet, du chicken. Yeah, more fish. I'm more plutôt fish. Poisson, fish elle est plutôt poisson. Yeah, donc I'm ça c'est fish. Ta spécialité. That's your specialty. Yeah, fish with a lot of like herbs and specimen and olive oils. Du poisson and... avec des herbes et des herbes. Ah oui. Ouais. Non, pas des herbes. Ah, pas ce genre d'herbes. Les herbes comme ça. Ah, pas des herbes comme ça. Non, non, non, non, non. D'accord. But yeah, and then in the evening, I drink a nice aperitif. Après, elle prend un petit apéro. Oui, il est au moins 14 heures. Yeah, it's 2 p.m. at least. 19 heures. Non, non, 19 heures. Et après, voilà, je me couchais à 11 o'clock or something really early. Et elle se couche relativement tôt, genre vers 23 heures. Comme les poules. Like chicken. Comme les poules. Like chicken. Yeah. Exactly. Et voilà une journée type de celle-là. Et t'arrives parfois à ne pas penser à la musique ou c'est impossible? Can you sometimes manage to not think about work and music, or is that not really possible? Easy? Really, really. Si, c'est très très facile justement. Yeah. Ah ouais, vraiment? Yeah, I can like forget when I get outside and people recognize me. I think, what are they looking at? And I'm thinking, ah yeah, right, I'm Célassou. I really forget always. Actually. Ouais, elle arrive vraiment à oublier. Et quand elle sort dans la rue, que les gens la reconnaissent, elle se dit, mais pourquoi ils me regardent? Et après, elle réalise, ah bah oui, je suis Célassou, je suis connue. Mais en fait, elle arrive très bien à oublier, quoi. Et ça va, les gens, justement, de ta petite ville dont tu nous parlais et tout, ils sont assez cool avec toi, ils viennent pas tout le temps sonner à la maison en disant. No, it's cool. I think they're really like down to earth, especially Flemish people. They're really like, ah. Said our little girl, and they just laugh, and they let you go. They don't like star fucking all the time. Non, non, ils sont plutôt terre à terre. Ils lui foutent la paix. Ils sont plutôt fiers parce que c'est la petite du pays qui a réussi. Voilà. Bon, prochain Planète Rap. Écoute-moi bien pour ton prochain album. Bon, t'es pas dessus parce que là t'es sur la tournée. Celui-ci sort lundi. Prochain Planète Rap, on le fait en direct de chez toi. Emmanuel. We'll do it live from your house. The next deal. The next album. Deal. I absolutely. Deal. Emmanuel, deal. On va en Belgique. On va découvrir la Belgique avec celle-là. Et on ramène tous les rappeurs. On ramène tout le monde, les gizmos, tout le monde, toute la clique, on les ramène tous là-bas. Wow, a lot of weed in my house. Ouais, il y aura beaucoup d'herbes chez elle. Bah écoute, oui, on ira tondre. On profitera du week-end pour tondre. Voilà, okay. On fait ça, hein. Ok. Emmanuel, je déconne pas, Emmanuel. Organisé. Ok. Emmanuel, c'est le patron de Bico, c'est lui qui a signé Célassou et qu'on salue, qui est un sacré mec hein, quand même, Emmanuel. Hein. Je sais pas. Very cool guy, Emmanuel. Yeah, je sais pas quel rapport tu as avec lui. Yeah, everybody like respects him too. So yeah, tout le monde le respecte. He's the boss. Voilà, c'est le boss. Non, et puis c'est un mec, voilà, incroyable, qui a une histoire incroyable dans cette métier. Regarde, il sort, il est gêné quand on parle de lui. He's embarrassed, he's leaving the room. Gone. Voilà, il s'en va, il sort, mais voilà, c'est un super mec. Alors juste pour finir là-dessus, c'est, il est là depuis longtemps dans le milieu de la musique. C'est un mec qui a signé, voilà, des artistes comme Mayhem, comme Doc Gineco, comme plein d'autres. Et puis qui continue avec son label Because à découvrir des nouveaux talents. Et c'est le cas avec Célassou. Yeah, he's been around for a while. He's signed really, really cool and big artists. And as yourself, so you know, he keeps on doing what he does. Yeah, he's good. C'est là, avant de se quitter, on finit avec Alone. Ok. Si ça te va bien, la version avec Gizmo. L'album s'appelle Reason. Et juste après, on fera tourner la roulette. C'est parti. Puis je vois que quand j'ai envie de toi, tu es loin, je suis pas bien, je me balade en ville le soir, j'ai des flashs de tous les deux. Faut pas qu'on se lâche, tu vois pas tout ce qu'on cache, ça s'est passé sous tes yeux. Tout va si vite, je te cache pas, ça devient speed. Sois pas si triste, t'inquiète pas, je reviens vite. Pas très loin, je pense à toi, Dieu m'en soit témoin, bien sûr que je me rappelle de toi. Perdu. Je sais que quand le soleil se lève, tu oublies ton amertume. Je sais que tu m'attends. Je sais que tu es perdu. Je sais que quand le soleil se lève, tu perds tout ton temps dans l'amertume. Célassou à l'instant avec Gizmo sur l'album Reason, le morceau Alone. Merci vraiment Céla d'avoir été avec nous pendant une semaine. Merci à vous. Je sais que ton agenda est chargé, on te laisse d'ailleurs partir. On va se revoir peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Non, 2 ans, max. Max, 2 ans. Mais tu penses déjà, non, c'est trop tôt là pour penser au troisième album. I think I'm not gonna last it that long than this one. This one took 4 years, I mean, and now I'm gonna do maximum 2 years and a half, I think. En fait, celui-là, elle a mis 4 ans à le sortir. Mmh. Elle pense que le prochain, ce sera moins long. Moins maximum long. Oui. 2 ans ou 2 ans et demi. Mais t'es pas encore dedans. Tu peux pas être encore dedans. Of course, I'm already thinking about it. Bien sûr que si, elle y pense déjà. Ah oui, tu penses déjà. Yeah. Mais rien n'est fait. But nothing's done yet. Nothing's done, but the ideas are there. Mais les idées sont là. Très bien, bah on suivra ça. Merci en tout cas vraiment pour cette belle semaine, c'est là. On croise les doigts, l'album s'appelle Reason, il sort le 30 mars. Yes. Et juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Comment ça va les amis? Skyrock t'offre le voile à voile à tour de Kev Adams. Moi, c'est Kev Adams. Plus l'intégrale de Tupac en CD. California. C'est génial. Anthony. Anthony, ouais, allô Anthony de Bussac-Forêt, comment ça va Anthony? Ça va et toi? Eh ben écoute, bienvenue dans le Planète Rap, bienvenue en ce vendredi soir à la veille du week-end avec Célassou, ouais. Notre invité. Ouais, salut Céla. Salut, ça va? Allô, ça va avec vous? Allô, Anthony. Ça va, ça va. Ok, merci. Cool. De Bussac-Forêt, c'est pas très loin. C'est pas très loin, en tout cas, physiquement, de ton village, de ta ville. Oui, Bussac-Forêt, ça. Bussac-Forêt. C'est vers La Rochelle, non? Ouais, voilà, ouais, c'est dans le 17. Okay. Ouais. Tu connais La Rochelle? Non. Francofolie. Maintenant, Francofolie, t'as pas joué forcément parce que c'est. Ah, voilà, Francofolie. Francofolie. J'ai joué, ouais. Ah, t'as joué Francofolie? Oui, oui, oui. Et ben voilà, c'est pas très loin. Ah, c'est dans le coin. C'est très beau là-bas. Très, très beau. Cool. Anthony, tu es prêt à faire tourner la roulette? On y va? Ouais, vas-y. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Elsa, stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case. Et bah la totale mon pote, tu vas aller voir Kev Adams du côté de Bordeaux, c'est je pense cool. Le plus simple pour toi, et puis l'intégrale de Tupac qu'on t'envoie aussi à Bussac-Forêt. Bah je te remercie. Merci à toi Anthony. Passe une bonne soirée. Cool. Il est parti. Ouais, merci, il est déjà en week-end. Il est déjà en week-end, c'est parti. Merci vraiment, c'est là. Ok, merci. Comment dit merci en flamand? Dankuwel. Dankuwel. Dankuwel. Dankuwel. Merci et thank you Elsa. Thank you well. Voilà, thank you well. You're welcome. Elsa. Thank you well. Pour la traduction avec au plaisir. Top comme d'hab Elsa, merci d'avoir été avec nous. Merci Cella et on croise les doigts lundi. La sortie de Reason, loupez pas cet album. Allez voir Cella aussi sur scène parce que c'est assez incroyable et on passe un super moment. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses. Ok, merci. Ok. Ok. À très vite. Ok. Merci Cella, merci à vous tous d'avoir suivi ce Planète Rap tout à l'heure. La Nocturne est là. Il est grand temps de retrouver D-Fool. Et oui. C'est l'heure de la radio libre. Mais oui, mon ciao, bon ciao. Fredo. Ciao Fredo. Et puis donc rendez-vous tout à l'heure. Tu seras là à minuit. Hein. Oui. Minuit pour la Nocturne de Planète j'espère. Rap. Le 100% rap français. Inch'Allah, comme on dit. On ne sait pas ce qui va se passer entre 21h et minuit. C'est à la radio et aussi dans la vie de Fred. Les deux. Sur, ça, c'est le truc qui est compliqué. Ils sont compliqué. Plusieurs. Ils sont plusieurs dans sa tête. Ouais, c'est ça. Sur tout ce qui va se passer entre 21h et minuit, bah, c'est vous aussi en direct. Hein. Dès maintenant, 01 53 40 30 20, vous nous appelez. Vous vous retrouvez en direct avec nous, le 41 759. On salue d'ailleurs les premiers qui sont là, ceux qui étaient là pour Célassou. Mmh. Bonjour à Larousse, bonjour à Greg Lusgeg. Salut Greg Lusgeg. Ah, très bon. Salut Elsa, Louloute et tous les autres. Et puis, bah, tiens, la semaine prochaine dans Planète Rap, on appelle Fredo. Gros Planète Rap avec Caris qui débarque dès lundi. L'arrivée de Caris dans Planète Rap, le bruit de mon âme. Le bruit de mon arme, le bruit de mon âme. De mon âme. Et oui. Caris, retrouvé lundi avec le nouvel album de Caris qui arrive. À quelle arme penses-tu, D-Fool? La même que toi. Ah, ok. Et dans un instant, lui, une grosse arme aussi, on l'avait vu sur les réseaux. Là, c'est Chris Brown qu'on va trouver tout de suite. Alors attention. Attention. Un petit Chris Brown pour vous ce soir, ça vous fait plaisir? Fredo, ça te va? Allez, hey yo! Hey yo! C'est l'heure de vous dire hey yo, bonjour à tous. Allez, hey c'est yo. Parti. Radio Libre en direct sur Skyrock, allez-y, 20h55, on arrive dans une minute de pub et c'est parti avec Chris Brown et avec toute l'équipe. Ouais. Radio Libre, c'est parti en direct. Fredo, à tout à l'heure. Ciao, ciao à juste tous. Juste après nous, à minuit, il est de retour. 500 euros.